Ça se gratte à la halpatch, on se match à la snatch. Rappeur falche, on passe à tabac comme le patch. Pas de speed stream, que les bitch stream. Putain vitrine, dans le rap time, petite mine, t'es qu'une speed green. T'es une caillou à Highway, une tata comme Highway. T'es pas de timing, t'es faux comme à Taiwan. On braque le move à la Black Moon dans les Fnac Men. Les portes me soupent à base de kick et de clac men. C'est pour mon crew, j'ai les crocs, j'viens les prendre dans leur crasse. Que l'underground laisse des traces, à la pandeur grasse. J'suis hardcore à la guérée, ça vient du cœur. Un corps type, c'est terrible pour les frères et les sœurs. On bouge pour les yeux, les neugeux, les yeux. J'te scène ta beuge, si tu l'offres, tendu comme Harbi et Yacht. Ghetto Yacht, on shot, rap sorti des squats. Voilà pour débattre, mais ta batte, t'entends Hapta. Tu sens la tratte pas, et les schlas s'entendent chasse pour les tâtes pas. Je veux nous baiser, gros, faut que je veux vite. Pour les mecs par où, ça c'est problème du vin. Pourtant on est venu qu'une petite équipe. Incorruptible d'esprit, que de leur pas de plaquer. Transformer tous nos rêves en rentrant le buffet claqué. En restant toujours tenté, ils sont bloqués. En évitant les talons à la teinture laquée. XX on plaque pas, toi viens pas manquer. Respect, qu'on va pas te manquer. Non on va pas te manquer. Toi t'as pas compris, je veux pas qu'une seule page, je veux ton cadeau. Car à ceux qui parlent, qui chatent, qui te mènent en bateau. Look kick verbal, on brise tes sclèves. C'est dans la musique qu'on se calme, on s'esclame. Je s'éclame, à la mort quitte le corps. Mon ressemble à ce qui mène toujours au score. Nous on passe de l'obscur à la lumière, tous les traits crient au secours. On lâche pas, on se pose pas de questions, nous on nique ça. Un cocktail, molotov verbal, j't'appelle Tixa. J'aime cette façon de vivre, demande à 7-7. On crame ça, même si on nique deux styles d'Aris, rame ça. Je veux nous baiser, gros, faut pas jouer vite. Pour les mecs par où, ça c'est problème du vin. Le cul entre deux chaises, originaire du Maghreb. Un casse et quatre bœufs, anti-schmitt, anti-schpep. Premier texte en classe, pendant les cours d'histoire. En prince et deuxième classe, toujours les mêmes histoires. Après un long silence, beaucoup de galères, peu de réussite. Il est temps qu'on se lance, on provoque la réussite. Ça nécessite, faire péter les ventes, cesser le site. On ressuscite, la foule s'agite, les jeunes s'excitent. Précis comme Zidane, on aime viser dans le mille. Un casse et du titane, XX on est plus de mille. Une fois de l'armée réformée, le groupe s'est formé. On vient t'informer, promis on vient cramer. Sur scène on a crié, c'était pas les bonnes watts. Aujourd'hui on veut prier, en gardant la même patate. Incorruptible, c'est dans l'esprit et dans l'âme. Indescriptible, on veut du bien mais fait du haram. Malgré les galères, les faux plans et la vie. Dans le rap c'est le même combat, mais on change pas d'avis. Hardcore et tristesse coule dans nos écrits. Mais la plupart du temps, c'est à la tôle que j'écris. Je veux nous baiser, gros, faudra que je me vite. Pour les mecs par où, ça c'est problème du vin. On est venu qu'une petite équipe. Depuis l'époque, dans les blocs, on lâche des balles comme les glocks. Laisse des traces comme une gardave. Ta coutume comme une drogue, son sale, nos places. Sur les murs, des sous-sols au comico. Aux assistantes sociales, prends pas les restes, c'est à l'aise sur ta boussole. L'album, on le fait tout seul. Un missile pour ton crâne, inadmissible. Pourtant, tu planes, t'es grillé, tous dans le flamme. Bloc à lâche ou lance-flamme, lâche notre rage à la rage. Ma plus en gramme, un gamin. Pour mener la danse dans ce drame, comparé à leur style, tendance grave. Rap pour les braves et les anciens. Rime, canoncier, douille infini dans le barrier. Bassos variés avec la rue mariée. Pour faire carrière, technique guerrière. Avec un passé carrière, allô la terre, ici le terre-terre. Démarrage, une première, oublie starter. Décart, il me recage, dégage. Quand je m'engage, avec le vice comme bagage. Je veux nous baiser, gros, faut pas jouer vite. Pour les mecs par où, ça c'est problème du vin. Pourtant on est venu qu'une petite équipe. Je veux nous baiser, gros, faut pas jouer vite.